Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Pour certains amoureux de l'histoire de France, ce long week-end de Pâques a été l'occasion de commémorer le bicentenaire des adieux de Fontainebleau. Véritable tableau vivant, vêtu de costumes d'époque, à pied ou à cheval, l'empereur et ses grognards ont revécu devant le public ce grand moment de l'histoire napoléonienne. Je ne sais si les archéologues se déguisent en Louis XIV, voire en Louis XV. Toujours est-il qu'un de leurs buts est aussi de faire revivre le passé, un passé parfois récent, souvent fort lointain. Aujourd'hui, mon invité travaille justement sur ces périodes récentes, les temps modernes, ceux pour lesquels les sources textuelles abondent. Séverine Hurard, bonjour. Bonjour. Archéologue à l'INRAP, spécialiste des périodes médiévales et modernes, vous travaillez sur la longue durée des habitats de l'élite rurale en bassin parisien. Vous avez aussi fouillé d'importants sites, non pas Fontainebleau, mais une ferme seigneuriale à Varennes-sur-Seine et même au cœur du château de Versailles. Cet après-midi, nous évoquerons l'archéologie des mousquetaires au travers d'une autre fouille à Saint-Germain-en-Laye, le fort Saint-Sébastien. Séverine Hurard, les mousquetaires, ceux de l'écrivain français le plus lu au monde, vous les avez retrouvés ? Non, certainement pas. Non. On a fouillé un camp d'entraînement militaire du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, qui nous a permis de mettre en évidence les données relatives à la société de guerre, à laquelle appartenaient les mousquetaires, hein. Mais c'est l'ensemble de cette société très complexe qu'on a pu étudier sur le site de Saint-Germain, sur ce fort Saint-Sébastien. Ce qui vous a donné l'occasion de relire forcément Alexandre Dumas. Absolument, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est relire Les Trois Mousquetaires pour confronter le mythe à la réalité. C'est un roman assez passionnant, même c'est épique et très bien écrit, c'est un très grand roman. Mais qui ne correspond pas tout à fait à la réalité de la figure des mousquetaires telle qu'on peut la restituer avec les sources textuelles et les sources archéologiques de manière plus éparse. La figure des mousquetaires n'étant pas celle qu'on documente le mieux avec l'archéologie. Oui, on n'a rien d'archéologie des mousquetaires, on ne sait pas grand-chose de toute manière. Non, mais du coup, on comprend un peu mieux, notamment grâce à cette fouille-là, la société des gens de guerre à laquelle appartient le mousquetaire. Voilà. Donc c'est une découverte assez unique qui permet de compléter, de dresser un tableau de cette société très, très vivante, très loin de notre image de l'armée. L'armée du XVIIe siècle n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas du tout une société aussi réglée, aussi uniformisée. Il faut se débarrasser de tous ces a priori pour pouvoir étudier cette société assez épique d'une certaine manière. Cette société très colorée, très vivante, très bruyante et très odorante, j'imagine. En tout cas, c'est une époque extrêmement importante, une époque où les choses vont se normaliser un peu, oui. Tant sur les soldes, etc. etc. Oui, cette absolument. Fin du XVIIe siècle, voilà. Tout de suite. On est aux alentours de 1670, et c'est une période extrêmement importante parce qu'on est dans une phase de transition vers la création d'une armée de métier, vers la création des carrières militaires. Donc on n'est pas encore, les choses ne sont pas encore réglées et posées. Les soldats commencent à être dotés d'uniformes, mais ce n'est pas du tout une société uniformisée dans sa totalité, puisque notamment sur ces questions d'uniformes militaires, de vêtements, on voit que chaque capitaine de compagnie dote ses hommes d'un uniforme qui lui sied. Donc c'est à chaque capitaine de choisir le type de textile et les types de coloris qui vont représenter sa compagnie. Donc c'est un peu complexe. On est encore sur une société qui est très très très très hétérogène, je dirais. Que s'est-il passé dans cette petite boucle de la Seine, on va dire entre Achères et Saint-Germain-en-Laye, même si on est plus proche de Saint-Germain? Alors, c'est une des très grandes boucles de la Seine, une des plus profondes. Et dans cette boucle de la Seine, on va implanter à partir de 1669, hein, puisqu'on n'a aucune trace antérieure à cette date-là, deux camps d'entraînement, on en reparlera, mais en tout cas, on va implanter des ouvrages fortifiés très conséquents qui vont permettre l'exercice des troupes à la guerre de siège, donc l'entraînement des troupes à la guerre de siège. Alors ces troupes, elles sont un peu particulières parce que ce ne sont pas n'importe quelles troupes, hein. c'est les troupes dites de la Maison du Roi, c'est les soldats dits de la Maison du Roi, donc c'est la maison militaire de Louis XIV qui s'installe en 1669 de manière saisonnière, puisqu'on, à cette période et jusqu'à Napoléon, on ne combat qu'à la belle saison, c'est-à-dire printemps-été. Ensuite, on prend ses quartiers d'hiver. Donc, les soldats s'entraînent de manière, je dirais, pendant la belle saison, dans cette plaine d'Achères, où on va implanter des ouvrages militaires de terre et de bois, donc des ouvrages temporaires, éphémères, qui sont destinés à prendre des coups de boulet, des coups de canon, donc à être détruits. Et on implante à l'intérieur de ces ouvrages fortifiés les zones de campement qui permettent aux soldats de stationner et de vivre comme en campagne militaire, comme en campagne au pied de Maastricht ou de Perpignan, d'Épinal et autres cités et autres places fortes. Séverine Hurard, vous me parlez des troupes de la Maison du Roi, donc à moi, à part les mousquetaires, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, les troupes de la Maison militaire du Roi, les troupes de la Maison du Roi, ce sont surtout des régiments de cavalerie, qui sont un peu les troupes d'élite de l'époque. C'est un peu, si je voulais faire un anachronisme, je dirais que c'est un peu le GIGN de l'époque. Donc, ce sont des gendarmes, des régiments de cavalerie, hein, des grenadiers, des chevaux légers, des gardes françaises, quelques gardes écossaises encore, ça va bientôt se terminer. Et puis, évidemment, les mousquetaires qui font partie de ces troupes d'élite par excellence, qui sont l'escorte du roi. Et le mousquetaire est une figure assez particulière, bien qu'on ait du mal à la documenter sur le site, parce qu'on ne distingue pas spécifiquement cette figure du mousquetaire dans ce magma d'informations qu'on a pu collecter. Mais on est en mesure de renseigner cette société dans sa globalité. Alors, le mousquetaire, il a attiré beaucoup l'attention, d'abord parce qu'il y a eu Dumas, qui a popularisé cette figure du mousquetaire de manière absolument géniale. Mais finalement, ce qu'on apprécie, et on le sent d'ailleurs dans l'œuvre de Dumas, c'est que cette figure du mousquetaire, il incarne la société de la guerre, parce que d'abord, le premier rôle du mousquetaire, c'est la guerre de siège, c'est faire la guerre. Le mousquetaire incarne le roi, incarne la puissance royale. Et la première mission du mousquetaire en campagne, c'est de monter à l'assaut. C'est le premier à monter à l'assaut parce qu'il incarne cette puissance royale. Avec des mousquets, bien sûr. Avec les mousquets. Donc j'aimais bien cette expression utilisée par le commissaire de l'exposition mousquetaire dans le catalogue, qui parle de figures amphibies parce que ce sont des régiments de cavalerie, les mousquetaires, donc qui se déplacent à cheval mais qui combattent à pied. Donc c'est cette grande figure de l'histoire de France qui finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que derrière les mousquetaires, il y a d'autres compagnies de cavalerie et d'infanterie qui permettent de livrer bataille et de s'illustrer lors de grands sièges sous Louis XIV. Il va y avoir combien de personnes, combien de soldats vont vivre dans ces camps au cours des deux, trois années? Au cours des quelques années où les camps sont utilisés, en fait, on fait des estimations qui sont liées à la confrontation avec les sources d'archives, avec les documents d'archives. On estime que pour la première fortification, le premier ouvrage fortifié, on a environ 9000 hommes présents sur le site pour 2500 chevaux et entre 16000 et 30000 hommes pour le second ouvrage fortifié, c'est-à-dire qu'il faut compter plus de 10000 chevaux pour ces bataillons-là. Donc c'est absolument considérable. C'est une présence militaire dans cette boucle de la Seine en plaine d'Achères qui est absolument considérable et qui doit avoir un impact très fort sur la vie locale. Hein, Il doit y avoir des civils aussi avec les enfants, les femmes, tout le monde. Complètement. Alors c'est pour ça que je parlais d'anachronisme quand on plaque nos visions de la société militaire actuelle sur cette société du XVIIe, c'est qu'en fait on a une société civile qui est très prégnante dans cette société militaire. On a évidemment des officiers qui emmènent femmes et enfants, y compris en campagne, dans un fort de ce type-là, sur un camp d'entraînement de ce type-là, ou sur un camp de manière générale de ce type-là, on va avoir des lingères, des cuisiniers, des bouchers, des marchands ambulants, donc tout ce qu'on appelle les vivandiers, qui sont absolument indispensables à la vie d'un camp, à la vie logistique d'un camp. notamment parce qu'on sait que les soldats sont soldés, donc dans la solde en nature, ils vont toucher du pain, des livres de viande et une solde pécuniaire. Mais par contre, on sait qu'ils ont l'obligation de se fournir pour d'autres vivres, notamment. Alors, c'est un certain nombre de vivres. Alors, la plus emblématique sur le site, c'est le tabac, qui est un type de denrée un peu particulier, mais qui est représenté notamment par les pipes en terre cuite qu'on trouve sur le site de manière très très abondante et qui montre la présence d'une armée de fumeurs. Un vrai tabagisme. En tout cas, ce que vous avez entrepris, c'est une fouille immense, comme on en fait aujourd'hui. Oui, alors c'est une fouille immense qui... Alors on a fouillé 28 hectares, ce qui est absolument considérable. Et c'est une surface beaucoup plus grande que celle qu'on a l'habitude de fouiller. En archéologie préventive, on a l'habitude de fouiller des sites qui font 9, 12 hectares. Mais d'un seul tenant, 28 hectares, c'est absolument considérable. C'est une surface assez incroyable. Et ce que vous avez découvert, ce sont des structures éphémères, mais qui n'ont absolument rien de fugace. Non, c'est éphémère, mais ce sont des structures qui sont assez impressionnantes, hein, puisqu'on a des ouvrages fortifiés qui sont matérialisés par des fossés défensifs qui font entre 7 et 12 mètres de large, 3 mètres de profondeur conservés. Donc il faut imaginer au-dessus de ces structures en creux, à l'époque, des remparts de terre et de bois qui font 3 à 4 mètres de haut, qui sont de véritables éléments fortifiés, même en terre et en bois, mais des éléments fortifiés très impressionnants qui arrêteraient n'importe quelle troupe encore aujourd'hui. Hein. Et puis on a des structures qui sont liées à la vie des soldats sur place. Sont des latrines qui vont faire jusqu'à 5 mètres de profondeur, des puits qui font jusqu'à 11 mètres de profondeur, des structures de campement liées à l'implantation des tentes et des baraques. Donc tout ça sont des structures très volumineuses. Et ça montre l'investissement en temps, en énergie, cet investissement sur la campagne d'entraînement, puisqu'on laisse des traces au sol qui sont vraiment prégnantes et qui montrent qu'on n'a pas, lésiné sur les moyens alloués à l'implantation d'un camp militaire, même destiné à être détruit au bout d'une campagne d'entraînement. À vous lire, ce que j'ai compris, c'est que vous n'aviez pas fouillé un camp d'entraînement, mais deux, oui. L'un sur l'autre. Oui, alors c'est la grande surprise du diagnostic archéologique réalisé en 2010 et puis confirmé par la fouille en 2011 et 2012. C'est qu'on a un premier ouvrage fortifié, construit donc vraisemblablement en 1669 et qui est entièrement rebouché à l'issue de la première campagne d'entraînement pour permettre la mise en place d'un second camp d'entraînement en 1670. Alors ce second camp d'entraînement, il est d'autant mieux... alors il est très marqué sur le terrain, mais il est d'autant mieux connu qu'en fait on a retrouvé aux archives nationales, lors de la collecte des données d'archives disponibles, hein, puisqu'on voulait mettre en confrontation nos données d'archives avec les données archéologiques, mon collègue Olivier Baucher a pu mettre en évidence un procès-verbal de réception des travaux de charpenterie et de maçonnerie pour cet agrandissement du camp en 1670. Alors c'est un document qui est signé par Louvois, dans lequel on a recensé, comptabilisé pour pouvoir facturer, hein, et pour pouvoir payer les charpentiers et les maçons, la totalité des pièces livrées, donc toutes les pièces de bois utilisées pour construire les baraques, les latrines, les écuries, etc. Et c'est un document qui fait plus de 500 pages. C'est un document considérable. C'est vrai, Nourard, nous sommes bien sûr très loin de la Mésopotamie et pourtant vous avez trouvé de véritables architectures de terre, de l'argile crue à 20 km de Paris. Oui. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des travaux de maçonnerie cités dans les documents d'archives, hein, mais on a mis en évidence l'escarpe du fossé, du premier ouvrage fortifié. Donc, c'est la partie interne du fossé, celle qui va être bombardée par les canons. Elle est entièrement revêtue d'une maçonnerie en argile crue, qui est une technique absolument inédite et pour laquelle on n'a pas d'éléments de comparaison pour cette période du XVIIe siècle. Surtout dans une région où on a tendance à sous-estimer la présence de la brique crue dans la construction, que ce soit pour l'habitat rural ou pour le reste. Et là, on a un témoignage absolument incroyable d'une fortification qui fait plusieurs kilomètres de circonférence et qui est entièrement revêtue, protégée de cette argile crue prélevée dans la terrasse alluviale, sans doute à quelques kilomètres. Alors, ce qui est très curieux ou ingénieux, c'est que nous sommes en face de camps miniatures, du moins par rapport aux forteresses à prendre. Oui, alors on estime... Moins d'hommes et donc plus petits. Bah, c'est, moi, je pense que c'est d'abord ce sont des fortifications très impressionnantes malgré tout, mais ce sont des fortifications miniatures puisque les places fortes dont on imite la configuration avec ces deux camps sont des fortifications qui font des kilomètres de enfin qui font des centaines d'hectares parfois. Alors que là, pour le premier ouvrage, le premier camp, on estime le premier camp à environ 32 hectares de surface, ce qui est déjà pas mal, mais ça reste une miniature par rapport à la réalité d'une place forte comme Lille, Épinal ou je ne sais quoi d'autre, hein, ou Besançon. Le second camp est estimé à 192 hectares. Voilà. Mais ça reste des miniatures. Alors en tout, par exemple, nous, nous avons fouillé environ un tiers du premier camp, un dixième du second seulement. Donc il y a plein de choses encore à trouver. Il y a encore plein de choses à trouver, si tant est qu'elles soient conservées, mais il y a encore plein de choses à trouver. Et ça veut dire que, par exemple, en termes d'ouvrages fortifiés, on a fouillé près de 2 km de fossés. Nous voici au cœur de la polyorcétique, un beau mot pour évoquer, bien sûr, l'art du siège, l'art de la guerre. Ce qui est curieux, c'est que le premier camp serait tout droit sorti, tout droit inspiré de modèles antiques. Oui. Oui, alors, on lisait encore la guerre des Gaules Sans doute, César. Très certainement. Alors là, c'est plutôt les ouvrages de fortification qui ont été utilisés. Alors les ouvrages tels que Vitruve et autres auteurs antiques qui sont très courus au XVIIe siècle. Hein. Il y a un retour à l'antique qui est de toute façon prégnant dans le reste de la société. Chez les militaires, en fait, ça fait partie du B.A.B.A., je dirais, des classes d'un officier qui va passer à l'académie militaire et qui va devoir apprendre notamment sur le bout des doigts sa géométrie. Et elle est souvent inspirée des ouvrages antiques. Donc on va une académie militaire, celle par laquelle va passer le mousquetaire, c'est apprendre l'équitation, la géométrie, sans doute plus d'équitation que de géométrie, hein, ceci dit, mais et puis notamment prendre des cours de danse, ce qui paraît curieux, mais ça fait partie des enseignements de base. D'un bon militaire issu de bonne famille. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Séverine Hurard, que vous êtes archéologue médiéviste et moderne à l'INRAP et avez fouillé le fort Saint-Sébastien, vaste camp militaire du XVIIe siècle. Comment attaquait-on une forteresse ? Vous en avez retrouvé les traces ? Oui, alors on a les structures liées à l'exercice militaire, hein, puisque alors le premier exercice militaire, c'est de creuser la fortification et de la mettre en place. Ça, c'est les pionniers, les soldats, presque. Qui vont donner naissance au corps des sapeurs, vont avoir pour mission d'abord de creuser et structurer une fortification. Ensuite, la seconde mission d'un militaire dans ce genre de contexte, c'est de mettre en place ces structures liées à l'attaque. Alors, les structures les plus marquantes sur le site et qui sont absolument inédites, c'est le premier témoignage archéologique qu'on ait pu mettre en évidence, je pense pouvoir dire à l'échelle européenne, sont ces fameuses tranchées d'approche. Donc, ce sont des tranchées en zigzag, qu'on connaît bien, que les historiens des fortifications et des guerres de siège connaissent bien, parce que ces tranchées d'approche sont utilisées par Vauban et systématisées par Vauban, rationalisées par Vauban durant toutes les guerres de siège sous Louis XIV. La première mise en œuvre de ces tranchées d'approche par Vauban, c'est à Maastricht en 1673, lors de la guerre contre les Provinces Unies. Et au Fort Saint-Sébastien en 1669, on a le premier témoignage archéologique de ces tranchées d'approche, c'est-à-dire qu'on les a sur le terrain. Et il semblerait qu'on ait le prototype de la mise en place de ces tranchées d'approche. Alors est-ce qu'on doit y voir forcément l'œuvre du grand ingénieur et architecte ? Alors moi, archéologiquement, je ne peux pas vous l'affirmer. On peut le supposer. On peut supposer qu'en tout cas, Vauban ait eu son mot à dire sur la possibilité de tester une technique qui est déjà usitée et éculée par les Turcs notamment, puisqu'on est allé détourner l'idée sur le siège de Candie au XVIIe siècle, hein, au XVIe siècle d'ailleurs, je crois, sur le siège de Candie, en fait, où les Turcs utilisaient cette technique. On va leur piquer l'idée et on va la rationaliser de manière à protéger les soldats qui vont s'engouffrer dans ces tranchées en zigzag, à les protéger des tirs d'enfilade de l'assiégé, qui lui continue à essayer d'attaquer les positions ennemies. Et c'est une technique qui va durer très longtemps. C'est une technique qui va durer très longtemps. Alors c'est le creusement de tranchées, de toute façon, on le connaît bien au-delà de la Première Guerre mondiale, hein, mais de toute façon, c'est vrai qu'il est toujours assez étonnant de voir que ces tranchées de la Première Guerre mondiale, finalement, s'inspirent fortement. Voilà. Sauf qu'au XVIIe siècle, ce ne sont pas des tranchées dans lesquelles on vit, ce ne sont pas des lieux de vie, hein. Ce sont des, des structures dans lesquelles on s'engouffre normalement avant de prendre, de mener l'assaut sur un des bastions de place forte. Ce fort Saint-Sébastien a-t-il été réalisé en vue de la prise de Maastricht qui aura lieu en 1673? Alors, c'est une question qui s'est posée. Moi, j'ai tendance à dire, alors je suis toujours assez prudente et je pense que bon, la prudence est mère de sûreté. Ce qui est sûr, c'est que les tranchées d'approche dans ce cadre-là, donc en 69-70, ont sans doute permis d'anticiper la guerre contre les Provinces-Unies, donc contre la Hollande, la guerre étant déclarée en 1672. De là à dire que les tranchées d'approche le camp d'entraînement, de manière générale, a permis la préparation au siège de Maastricht, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est faire un raccourci qui me paraît un peu dangereux. La placeur de Maastricht, de toute façon, j'imagine que Louis XIV et son état-major, c'est très bien qu'à un moment ou un autre, pendant les guerres contre les Provinces-Unies, on finira par y aller. On devra aller s'y frotter. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'entraînement au Fort Saint-Sébastien est spécifiquement mis en œuvre pour Maastricht. À défaut de mousquetaires, est-ce que vous percevez les officiers ? Alors, on perçoit les officiers, on arrive à préciser l'emplacement de logements sur le site qui montre la présence d'officiers, ou en tout cas de personnel militaire qui profite de ressources plus abondantes, notamment à travers la vaisselle en terre cuite. On va avoir des plats décorés qui se distinguent dans un échantillon céramique qui est plutôt constitué de pots tripodes dans lesquels on va faire bouillir les aliments et notamment la viande, alors que les cabanes d'officiers se distinguent par des plats de service de table décorés avec des verres à pied, notamment des couverts, et puis aussi dans les modes d'alimentation. Dans les modes de consommation, on voit une différence entre la consommation d'éléments issus de boucherie, notamment le bœuf est très représenté. Donc on a des éléments qui vont être relatifs à la consommation de viande bouillie de type pot-au-feu, des éléments qui vont être bouillis, recuits, réchauffés, etc. Et avec les plats de service de table, on va trouver des éléments de type côte de bœuf qui montrent qu'on a des pratiques culinaires un petit peu plus sophistiquées dans certains espaces du site et qu'on bénéficie de ressources alimentaires de meilleure qualité. Privilégiées. Hormis les boutons d'uniforme, vous percevez aussi les croyances, la vie privée ? Oui, alors de manière un peu anecdotique, ce n'est pas forcément ce sur quoi on va pouvoir apporter le plus de données. C'est des petits témoignages qui restent émouvants, qui sont assez touchants, qui concernent la découverte de petites médailles religieuses, de bagues de fiançailles, de petites médailles de pèlerinage, qui sont toujours assez touchantes et qui montrent, qui nous permettent plutôt que de toucher la masse de la troupe, qui nous permettent d'approcher d'un peu plus près l'individu dans ses aspirations spirituelles et religieuses. Au-delà de la fouille, vous êtes bien sûr penché sur les sources écrites, les archives. Oui. On peut penser qu'il y en a pléthore. Oui. Alors ça, c'est un travail qui est absolument indispensable, la confrontation de nos données archéologiques avec les sources d'archives, avec les données textuelles, planimétriques et cartographiques aussi. Et ce travail de confrontation, il a été mis en place dès le début de la fouille, puisque la personne chargée d'études d'archives s'est concentrée sur les dépôts d'archives qui potentiellement pouvaient contenir des données sur le site dont on ne connaissait quasiment rien, y compris de ce point de vue-là. Et finalement, on a trouvé beaucoup d'informations, mais pas tant que ça. Finalement, on n'est pas noyé sous l'information, elle est souvent assez importante, mais les documents ne sont pas... c'est pas une documentation pléthorique et on ne croule pas sous une documentation textuelle, malgré le fait que le site était construit à l'instigation de Louis XIV. Vous avez trouvé quand même un très beau plan. Oui. Dans une commune à côté ? Oui, dans la commune d'Herblay, qui fait face à l'implantation du camp. Donc dans cette boucle de la Seine, à l'extérieur de la boucle de la Seine, la commune d'Herblay conservait aux archives municipales un plan aquarellé absolument magnifique qui représentait le premier fort, ce grand fort rectangulaire. Le fort antique, voilà, le fort romain. Cette espèce de fort romain. C'est un document qui est non daté et qui est anonyme et qu'on suppose être postérieur à la destruction du premier fort, c'est-à-dire qu'il représenterait un souvenir, quelque chose de une espèce de mémoire de ce fort. Oui, mais en tout cas, il y a Madame de Sévigné et La Bruyère qui évoquent ce fort Saint-Sébastien. Alors c'est l'intérêt de fouiller un site qui a été créé à l'instigation de Louis XIV et des grandes figures de l'histoire de France. C'est qu'en fait, on a rarement l'occasion, quand on est archéologue, de traiter, de confronter nos données archéologiques aux données littéraires. Alors c'est le cas ici, parce qu'on a quelques mentions dans la littérature, alors chez La Bruyère, chez Madame de Sévigné, chez Mayola, chez tous les gazetiers, chez une partie des gazetiers de la cour. Donc on trouve des petits documents, des petites proses presque dansées, qui sont des documents souvent de propagande, hein, qui permettent de mettre en évidence la puissance royale. Ça, c'est le cas pour La Bruyère, je crois. C'est le cas pour La Bruyère. C'est le cas pour Mayolas, pour La Bruyère. Madame de Sévigné, elle a un discours plus critique. Alors, elle mentionne pas spécifiquement le site, mais elle se plaint dans un document qu'elle envoie à son cousin, Bussy de Rabutin, dans un courrier. Elle se plaint de la présence, de l'omniprésence de la guerre à la cour et de la cour à la guerre. Puisqu'on sait, notamment grâce aux gazetiers, que le roi Louis XIV se déplace régulièrement au fort, hein, puisqu'il a, enfin, le château royal de Saint-Germain-en-Laye se trouve à 10 km du site. Il se déplace régulièrement, il est très féru des arts militaires, et il assiste aux exercices, il emmène certains, il en commande quelques-uns, et on nous relate des dîners somptuaires qu'on fait à l'état-major du camp. Et quand Louis XIV se déplace sur le site, il s'y déplace avec une partie de la cour, avec les ambassadeurs, qui relate aussi les visites de manière assez drôle, assez piquante. Et on voit cette espèce... En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le premier camp, celui de 69, plus que celui de 70, c'est vraiment une vitrine de la puissance militaire royale. On met en scène la guerre à travers ces soldats, des troupes d'élite. Hein. On donne à voir aux ambassadeurs et à la cour cette émergence, je dirais, de l'armée de métier. C'est une préparation à la guerre, mais c'est aussi je dirais qu'on prépare les esprits aussi à la guerre. Curieusement, vous n'avez trouvé aucun document sur la création du fort, son organisation. Cela quand même paraît assez étonnant, eu égard justement que nous sommes sur un fort royal de Louis XIV. Oui, alors je ne sais pas exactement pourquoi. Après, il y a conservation des documents. Je ne sais pas si tous les documents sont conservés, mais c'est vrai qu'on a trouvé peu de documents sur les conditions de création en 69. On trouve surtout des documents relatifs à l'agrandissement et au remplacement de ce premier ouvrage par le second de 1770, qui est beaucoup plus volumineux. C'est une fortification absolument considérable qui fait plus de 4 km de long. Mais voilà, on a une documentation relativement éparse. Et c'est aussi l'intérêt de la fouille archéologique, c'est qu'on met en évidence des données qui sont inédites. On réexhume, on sort de terre un site qui était complètement Tombé dans l'oubli. On ne connaissait plus de ce site quasiment que le document aquarellé auquel vous faisiez référence. Et puis en revanche, les archives nationales, comme vous le disiez tout à l'heure, possèdent 600 pages sur les maçons et charpentiers qui ont fait le camp. Oui. Donc une sorte de source absolument énorme, très peu exploitée par les historiens. Très peu exploitée parce que ce sont des données qui paraissent sans doute assez rébarbatives. On y dénombre baraque par baraque, latrine par latrine, les pièces de bois livrées, montées, assemblées pour permettre la construction de tous ces bâtiments, notamment des écuries qui sont des bâtiments absolument considérables. Et il fallait les archéologues et le moteur de l'enquête archéologique pour mettre en évidence ces documents et les exploiter. Alors j'espère que ce sera l'occasion de nombreux dialogues avec les historiens et de nombreux échanges. Et en tout cas, vous avez les traces du rebouchage, car rebouchage il y a eu. Oui, rebouchage du premier camp, c'est sûr. C'est un rebouchage à l'issue de la campagne d'entraînement de 1669, un rebouchage de l'ensemble de l'ouvrage fortifié et des structures. On change l'organisation spatiale, on change d'échelle, hein. On passe d'un camp de 32 hectares à 192 et on a besoin de reboucher cet espace pour pouvoir, je dirais, faire table rase et reconstruire quelque chose de plus adapté à la guerre de siège. Je crois savoir que mousquetaires et soldats fréquentaient près du fort les dames de petite vertu. On laisse aux sources historiques la responsabilité de leur dire. Oui, alors archéologiquement, j'aurais pas les moyens de démontrer la présence des dames de petite vertu. Après, on sait que ça fait partie de la vie de troupe, hein, de la vie d'une troupe militaire qui, on sait qu'il y a des temps d'attente extrêmement longs, des temps d'oisiveté extrêmement longs dans une vie militaire, surtout à l'entraînement. Donc voilà, ça fait partie de ces choses. Et en plus, malheureusement ou heureusement, la forêt de Saint-Germain et la route de Saint-Germain est une route de la prostitution depuis l'époque médiévale, donc ça fait partie des traditions. Les historiens vont-ils reprendre vos données ? Oui, semble-t-il, avoir l'exposition mousquetaire au musée de l'armée ? Oui, alors j'espère qu'ils les reprendront, les données. En tout cas, j'espère qu'on aura de nombreux échanges entre l'archéologie et l'histoire sur ces questions d'archéologie de la guerre de siège. Séverine Hurard, merci beaucoup. Je signale cette occasion l'exposition Mousquetaire au musée de l'armée, où vos récentes recherches sont bien sûr présentées. La revue Archéologia, partenaire de l'émission, évoque surtout dans sa dernière livraison la Grèce antique, toujours vivante au travers de 3 expositions en Europe, mais aussi la reconstitution, puis l'embarquement sur un navire grec du 6e siècle avant notre ère. À lire donc. Le Salon Noir a été réalisé par Marie Placet, à la technique Anthony Thomasson, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.